إمام السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ok, donc on va dire que nous sommes tous les imams de Samurama, Kafran de Troïla. Comme nous Kramo Jibrila Janedi anara kana finfo kuna sini okara talata fenedi anna ustad fenena anna kramo ke no fene kramo Farouk Jabidi le fenena kana finfanye kaoben sayanima toujours comme alkala nyam kan kroma almisa anna kramo ke anna docteur no wonbena kramo Ishaka Samurama, pas mal kalanyam kan wati blendo ayina la kafin fanya Allah ta'ala kan nan la kilakan donc inshallah bi afana dina donin fanya sayako kan an kun la la akumata na jinya la bake ka ben kulna kinyama pas mal kalanyam kan donc inshallah anna imam brasilina adina donin fanya wa ben kulnal fi yama sinni fane jumadi donc blu mawro ankalante na imam la bi kam mbake ko wa ben fadda ken ya kulma inshallah donc imam micro iblu toujours andi matra fane do ke bare malunye benun ka fembo ka damina ayuba turema kana se ustaz bretema kana se ali keta kana se radio mamru be radio president ya kukramoko raka baketa surita ko kana se musa kone ba murisano abokar jirasuba na wa sano kana se salmatu balu kana se tunsa anteri bere menuka magbeninke ulfane kasial kasia menuka urbo volontairement lukasia ulfane kasia e odule sungaro sanodi alle favloka $60 bo e donc butun sa kula cabinet kante kokan ani cabinet brété ani transaco donc ani sanitif ofana da wodama uraina ko tab butun sa kula megere kan toma suri jallo fana ka wuridi donc ani haja hawa yabi Maryland fana ka wuridi et donc wurimi brassemble en flo promise men braquet amodul masome wurimi brassemble en flo brassé dala wa killing ani dala bilolu jatiro donc bulu moro toujours di barka bla badin kil nakrin kil nabla niye mais toujours bari na lon ka ba ko fenfen ka wuri di asinambulu ko me comme ça nan ka fani tol madan ku ndo nyaama nyante papiro a jaman jaman do ambe na fli donc wal ya lol ka fenfen di nan ka di momin blu ya lon ka ba ko ka fenfen di an ka be ma soro donc assalamu alaykum rahmatullahi wabarakatuh imam micro iblu ani ambare make tunkara me african na fani no mayla 125 la Ayuba Touré ka wori dablu ngora wori nala alegire kan fena bana min ka $50 di Ayuba Touré ka $50 di alegire fena bana ka $50 di et donc toujours amma ngina fena ko anya fena pula ani najene kaba ngay 169 na Prospect Avenue ale fena ka dala monda dinga ka dala tam faraw ko ka kara dala bisabadi anambare magbere kita alle fana ka fako doma ale la african market ye ale fana ka dala tandi donc buluma woro en anglais men do fla en kundoya men ye sebe ko non akasiya kasiya ka do moko kan ramoke jang ale fana da la na radio len wati be len do ale fana ka grâce mondi donc toujours fek ba fana restaurant Idrissa Jawara malenadi ale fana restaurant e 338 la ale fana ka da la biloludi o tabtun sa ko la ambare magbere ale sako Abakar So ale ka da simon ta kala ka ka biuro ladi donc alhamdulillah rabbil alamin a hangli min da flo ko lewudi inshallah donc imam micro ibro assalamu alaykum rahmatullahi wabarakatuh ambare ni karambana wati la pamal ka yam ka almisaloni karambana imam babant ma bakar sana inshallah ambina nouvelle latami journal bin latami watu la na sonama donc halal moyro do assalamu alaykum rahmatullahi wabarakatuh imam micro ibro allo okay badima duz aljakato anna imam yelinna me bona ala micro le problème mit la ajedeblu donc toujours aldi allo imam allo tlebina wa antu bila ayo Allo Antrobila. Allo. Ah, iwa. Allo. Jamil. Okay. Atlobina sa. Antrobila. Alhamdulillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah was salatu was salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alam yant li herela mayini o musabalu subhanahu wa ta'ala se akanshi herela. Amayini masaba Allah subhanahu wa ta'ala se. Alim yankana kanke slamei akan fatu ni slameinka. Amu masabatano. Amma barkada. Amita nganyina fe kabo anyirakun toroma. Amita nganyina alaw subhanahu wa ta'ala fe. Kabo shetana toroma. Anan yirakun toro. Bela jelimba don kafoni alaw ta'ala imami inkala. Filibatu la. Ni Allah subhanahu wa ta'ala fana. Na imami fana lafili. Kana bagatu la. Kuban bela jelimba don chumi. Ami shiria kafu alakira sallallahu alayhi wa sallama. Alaw ta'ala ka chindiru akajono. Akan nabi yuman laban fanaridu. Chiden tena chiden minko. Ma yina alafi akaka nema. Anaka kisi ako shuru. Alakira baka sallallahu alayhi wa sallam. Anadungewu. Anaka sahabawu. Ani mau manoyo senda kira senda nona fukatase ijaduma. Alamanin obbele jirin farla kira ka jamaka lara jodu. Balma lamel kila bbele jirin. Kuma janta mbulo suina. Kuma mima mbulo suina. Kumi obbele jirin bado chumi. Nuanga chokroba kabaninko kibariai. Saya infle abambela jilin no feni chuwa ina orba yin karmoke no ina murike itai anana jamana ina abe suriye sambi sabala na arma denshi ima bandalima ite bantalima ambela jilin ka don kafo ko ambebe laban yin chuwa inila ambe laban chuwa di ode kanga kebe joro nai. Allahu akbar. Surtu. Nkakunka doko. Kafone pe wajulu ke. Arajo yireka. Nu arajo soleye. Ntlale nko. Nama wulili ke arajo yireka direct. ka foli bila ka dubaw bila kɛ k'a ɲini an fɛ an fana ka dubaw k'a ye wallahi an tilalen kɔ wajulu la a bɛ weleli kɛ ne yɛrɛ ka nimoro la ka foli ɲini n fɛ ka dubaw ɲini an fɛ mɔgɔ do silamaya kun ka da ye n y'a dɔn cogoya min na ne ka dɔni damayira la ne y'a dɔn silamaya sira de kan ani ne ka ɲɔgɔn ye fɔlɔfɔlɔ o kɛla chicago de siɛn dɔ la n taara chicago kun ye wele ko ka taa conférence la ye n taara o la n ye khutuba kɛ n tilalen kɔ khutuba la juma na mɔgɔw bɛ foli la a yɛrɛ nana ka na foli kɛ a yɛrɛ ka sɔrɔ k'a fɔ ɲɛna ko ale de ye namori keita ye ale de bɛ to ka weleli kɛ ka foli bila tumana min ni n tilala wajuru la yani a bɛ to ka foli bila a bɛ to ka ɲiningaliw fana kɛ a yɔrɔ la ne y'a ye cogo min n y'a ye k'a fɔ mɔgɔ min don ala ko ka da ye mɔgɔ min silamaya ka da ye n y'a ye fana ani o ye alimami bɛ ɲɔgɔn bolo cogoya min na n y'a faamu o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen k'a fɔ mɔgɔ de don a ka ko jɔlen don diinɛ in de kan alhamdulillah n m'a ye yɔrɔ yɛrɛ fana na n taara ye misiri de kɔnɔ o yɔrɔ fana na a ko n ma a ka kuma kɔnɔ a ko lahala i bɛ n kumakan dɔn mɛ an ma deli ka ɲɔgɔn ye n ko ye tiɲɛ ne ma deli k'i ye mɛ n b'i kumakan kɔni mɛn i bɛ foliw bila i bɛ ɲininkaliw kɛ i bɛ dubaw bila mɔgɔw ye i bɛ dubaw ɲini mɔgɔw fana fɛ o tuma na ni ala y'a kɛ k'u ka kalifa minɛ a la an bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ bɛna taa komi ale bɛ taa cogoya min na de alahu akbar alahu akbar ala ka labanko ɲuman di an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma n balima an k'a dɔn k'a fɔ saya min filɛ nin ye n'an bɛ ka boli a ɲɛ saya in bɛ k'an kunbɛn de dɛ an bɛ ka boli ka ɲɛsin yɔrɔ min saya bɛ ka na n'o fan de ye an k'a dɔn an bɛɛ bɛ segin ka taa masaba ma masaba min bɛ ko dogolen n'a a gɛnman bɛɛ lajɛlen dɔn ko min langaniyalen don kɛnɛ kan masa min b'o dɔn ani ko min gundonen don masa min b'o dɔn o masa in a bɛ tila ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen kibaruya fɛn na fɛn min n'a kun kɛra an b'o waleyara diɲɛ in kɔnɔ qul innal mawta a ko ala kira a fɔ o ɲinɛ ko saya min filɛ nin n'a bɛ ka boli a ɲɛ tafiruna minhu n'a bɛ bolila saya in ɲɛ fa innahu mulaqikum ko saya min bɛ k'aw kunbɛn de dɛ i bɛ boli ka ɲɛsin yɔrɔ min ma saya bɛ ka na n'o fan ne ye dɛ o kɔfɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ sigi ka taa masa ma masa min n'a bɛ ko dogolen ni ko min bɛ kɛnɛma a b'a bɛɛ lajɛlen dɔn a b'an kibaruya fɛn na fɛn min n'an kun kɛla an b'o waleya an b'o baara diɲɛ in kɔnɔ yan mɛ fɛn fɛn ma k'a kɛ diɲɛ in kɔnɔ masa in t'a la masa yɛrɛ t'a la b'a bɛɛ lajɛlen dɔn o tuma na o ala kelen ale de y'i kanto a ko aina ma takunu yudrikukumul maut ko an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ saya in bɛ kun an na dɛ an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ saya in b'an nɔfɛ a bɛ kun an na fana ko hali n'a y'a sɔrɔ an kɛra sangaso janw de sanfɛ hali n'a y'a sɔrɔ an kɛra so janw de sanfɛ hali n'a y'a sɔrɔ an kɛra kulubaw de sanfɛ hali n'a y'a sɔrɔ an kɛra avion de kɔnɔna na maa ye maa bɛ to avion kɔnɔ a ni bɛ minɛ a la o ye boli dan ye dɛ. saya in kɔni b'an nɔfɛ wa a bɛ kun an kelen kelen bɛɛ lajɛlen na kafiri ni silamɛ bɛɛ dalen don saya in na k'a bɛ bɛɛ sɔrɔ o tuma na kullu nafsin za'iqatul maut nin kelen kelen bɛɛ bɛ saya in nɛnɛ nin kelen kelen bɛɛ bɛ saya in nɛnɛ kullu man alayha fan fɛn fɛn bɛ dugukolo in kɔ kan a bɛɛ lajɛlen bɛ ban فألو تعالى نيرا أناك مسايا أولي تنوتي با كل شيء حالك إلا وجهه سين بيبي حالكي فونا بولا على نيرا لا الله وتمنى مغمي مي على دون أولي بميري سيالا أبي ala kira ka kuma kan lume ala kira yi min fo saya ko kibari ala aba yare ta sino e kamiri no e wala kira di kanto ako azkir akthiru dhikra hadim alladhat kwa nyi miri chaya temi media mbendi akokari kwa ngamiru wala de ode saya kito ibi yare jala wakati mi femi mena kadia en kotige ronin kele isem bwala ode sayai ala kra ko kanga miri nere oro koso ibaye ibn majah ka sunanu korona na ibn umar ka hadisa mi na ikanto korona na ako chedo na ala krama ansaru lakadedo أي فليب لا على كرلا صلى الله عليه وسلم وقف أي كنتو على كرما أكو كنكو سلام جمان كفسا مؤمن جمان كفسا كتم مؤمن بلا جلينكا على كراكو كسلام من كفسا نسلام بي مؤمن من كفسا نمؤمن بي ودي من جو كاين أو تلا كتم أو بكا ودي كفسا أو بي Ochi ayi kanto tukuni, ako okofe, jongafusa ni ambeye tukuni. Ala kirako, mingafusa ni muminu beye. Ode ye, mumini minabi mbiri sayala. Abitla, ka aereka bara kita ukuru nye. Kulu labe, nindo inkama. Abi mbiri sayala udoronte de. Abitla kiyere labe, kabara nyumanke kabla, kaya unko kungoro. Ala kirako ko ulaika l-akiyas, ko ulude make umawi. Ko ulude make umawi. Ulude make umawi. Sayade bina, kakuduma, kakotiki kabo mgobulu. Odoko sa Hassan al-Basri kanto, ako mauma ni mirla sayayere la. Ako femi ye nisondia ye. Itse ka nisondia diyena kutiyente yon kono. Ni mgo mgo ni ki duskun. Ka miri, kebe miri sayade la. Iba ye ko diyena kono na fem bebe ke ibolo fem fitinye. Ka bebe doko ya inye koro. E ba wuni sikila ka laje ka foko nebe ni befar la nyon ka. Donkele nda kele, donkele ni kono na obina ne sembo a bela jelena. A ñiningu yeresa ko iba yi woro la ka fo ko diena corona fe abela jele me doya ñe ko fen fe ba ko na abela jele me doya ñe ko oro ko so mi Umar ibn Abdul Aziz ay kanto akakuma kauna ako dusku min be nabe na temiri sayala anyina na kabo sayako anyina na sayako ko duskunchiena kanto ko mugami ni etablo kera ka fo ko be miri sayade la wati be o alaw taala be e bonyeni fen sabay afolo folo alaw taala be tubi nugaya iye aflana alaw taala be duskun kari ite boli diyen nofe. Asamana, alaw taala be kuraji dima. Kuraji mi, nabi deme alabatola. Alaw taala be kuraji dima. Kuraji mi, nabi deme alabatola. Nani mokom yonfona nyina na sayako. Ate miri sayala, alaw taala bo tikila mokon la jarabi ni fensa ba fanaye. Abo tikila mokon la jangata ni fensa ba ye. Afolo folo, ka tubi kata alama, iba yo tikila mokobo kuke kuya harule nye. amena tubi sawara koni ifla baram na mena nse mba bera no a ne koni ni nkoro la wakati mi ni nga shijansro a ne koni ni ntara yijila kana tabita yijila wati jima sawara bi soro inina kalu na tabi soro nina wa shumi mi ifla mfla kona ni yara dugube jeka wa ito do kwe ala de bulure ibati kila mwako fana soro kari teka duskun fana na alaba janata noire ibita soro saliyaba la alabato fana na ate kurashi soro ka alabato fio otumana ambalu wangu sayaka gile masayayere mangelele sayako bawo ni arba de fatula ibina tafemi soro yerenye yemin bara de alaw taala wele fade wa alaysa lil insani illa ma sa'a waske feme arma de ni mami mie fe warbiye mami bara ko wa yemin bara dro le biye yemin fana bara a ibnu fana yede atmana niye yuman bara aw taala ko hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan ko yuman sarate fo ye yuman ko ni ka yuman bara ibe sara yuman ade ni ka juguman fana bara ni kala juguman bara ke baye ni ka dala ite sara fo ila fura kala juguman ida atmana ambe bulla diye ko fele amara salenu je mara salenu kosuwe alaka akili mwendi nina obela jene wangu duatimi afola nye kafuku karamoke bana kadla akadu usadik allahi hila kumi nga atuati kila mwo mangi galundike wallahi hali emisyon temeni wala emisyon min temena unye a woleli ke ni ma yira anna kafo ambela jere minata de ambela jere minata ambela jere minata ambela jere minata ko ma del kake Allah akbar Allah. Ima bantalima. Ite bantalima de. Wa ina na masara ila. Wa ibe tadu mi fana te sara ila de. Ala ka akili jima nama. Allah akbar. Saka gele. Ibe sa. Ni salafana. Ibe takabo I. Ika demba yala. Ibe takabo I bulufu unchela. Ibe takabo I teru unchela. Ibe takabo I donoro la. Kata du ukule segi. Ti se ka to mo go tshela tukuni bo go de besegi ka dinye bo ke da o kono ka bo go kika ko sa mbela jele mbetla ka ntega ko ka tla ka nko doila ma mi me bo go koro o nyo na ta san sere mi ndale lo bo go koro o nyo na ta san sere balmo ngara dili masabami na yambalma kenni mine alaka ya fama mayino masaba fi aka ya fama ayuma minuke akulu ya fa ayi yuma minu ke akolu yuma umine. Aka aung fana nye ka anga donkono kalabanko yuma ndi aung yere fana ma. Ka anyere ke alabatu jonye. Kanke dine demibraye. Kanke dine yungkota baye. Ka anga baro ke alaw tala nye da dronkama. Ka anyine alafe. Alaka korota ni bunya dine ni au bela jerema dine ay lahara. Alaka nkisi ka bushe tena toroma. Slameshu. Ame mindo ante mindo alaka ya fake lengele bela jerema. Alaku kaburu nora. Alame ya fana nina au fana ma. Ala manene aw do la dakrefe kambo dakrefe ala kany roje shetanana ala ka shetana fana roje nya anna manyi ni ala fe ala bi deminu dam ala ka denu ke ala bato joni ala ka denu ke ala joni ala ka denu ke dem barkale wuni ala ka denu ke den subati lewni ala ka denu ke ankoy ka denu ke deminu no be se ka dine ndem ka dine en korota ala ka demu ka dem barkalani ala ka nena aw bela jelen be sababama fota ni ketani ni ta aw bela jelena banaw ne tuma fa suina ko fawe o de tuni ni haka to ni ka sallallahu wa ala muhammad aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al'azim al-jalil li wa lakum wa li sa'ir al-muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu إنه الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إمامي كبركة دونك وام بدين كمان مسلمان أليس أن إمام ناي إمام شاكا سامورادي أنا كندودي هو سيامين كامبرلين سرون donc alhamdulillah rabbil alamin afena na kana dafa nya film fo an ko nin ka lon ka fo ko ya fo wala kana kuma adabadin ka gizula ji sa ya koro ni krai fa ta di wala krai kele sara e kele sara wala i musule sara kana kuma yin hukan an kala shaman shaman do atina la sula ulila toujours adita malla badinya la diela ko kukura ke to gublu moro ambari make ani ankra moke nanna ustaz ay ustaz isa ta samura di kafra di troila alhamdulillah rabbil amina anka la ko ka fadi madara pake me alhamdulillah umma ka nyaka boko ay na kana fim fanya e donc gublu moro anye do kala fana ya la masarara la masarara la masarara e kambela min basi fadda ke ko mala basi Allah ta'ala le bulu anyi fura fura ta'ala ankara ka foka be ni to sobli bi fura jumbulu fay Allah ta'ala le bulu donc amra atraman sabaw fe man sa seti ka amma deme ka am fura ke ka antanka yankaro juma suma ka antanka bana juma suma ka anso sigan fada kenan kula banku juma nawlumi frema amra Allah ta'ala frenyi ka tnyes makro ka ni di bela ka hinante bulu ka ni di bela ka hinante bulu amra Allah ta'ala antra Allah kala jamaate ma ramu kra antra Allah kala jamaate ma ramu kra ka anso ajala ka antan ka jana ma ka anso ajala ka antan ka jana ma kana kanda kana badinya du sabati kana badinya du sabati donc toujours badin ke manam so manu anna ustaz makandodi toujours alhamdulillah rabbil alamin anyi fulid la fana ma ta fulida ma ta fulidi baden ke manam so manu beralen fana ma ko vrai donc inshallah imamu andi ya fay mo ro ko min ka ben kulnal ke yama ki son ta konti robi ki son ta te balala wala ki son ta Allô? Ok, bari malu tu tu zan ka fanyam ka aldiya ka tu andina journal dina tamisi na la sonama me donc yina fa ka kote imam imam isa ka samura ankala ka lindla gala lindla donc bari malu aldiya ka tu ankala na imam bra lindla donc inshallah aldiya ka tu dana sonama an bina journal bi at passé c'est dans son amma من بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته amba den ke manam so manu fezen ki la barablu kabi kadu radu sulayla anna ful ko nyumal nye aliya lon ka fo ko anna kramo ke na ye imam saka samura bo farima dala nyama bi bake ya alhamdulillah rabbil amina aduna ka fulike aka wajibili min ke preski amajanya ya bake ko aben ambare make anam fake la sayama donc bulu mawro anara kana wajibili ke wule kunya ko kan na ma jamfaya nyawo mabake donc toujours amra barka bla na imam ye alama sarada donc anka fo wajibili ko fe na so ma inshallah journal bin tammi to ye kibar yadi inshallah o fe na bin tammi ci sen ko fe donc me jela fa ka ko te andi barka bla bari ma clinic na bla ni ñe fen fen ka yara ni bo am fa ke sukuro ani al koro ke ba anam barake ño no won be na mo ba na muri kita Allah ta'ala ka men na kalfana la jumata mini donc anyi barka bla bari ma li fen fen ka yara ni bo Allah sukuro ka ta ka foko ka asula boyan ka la wa afriki donc bulu ma woro ambra information chaman soron kawa ben kabo Chicago anin kabo New York kono yando amba de ma maliamen yando community maliamen ya alu ka wur ladde ka aben Always. This respect somebody. ثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دونك بارينو antora kumala na kumana la coupe toujours moni Musa Koneli na ni alman kumaka men alien signali comme moloni de foi na micro la donc entre amba de make adam fake la sa yakuli kan kanyafo anko anna committee malia men yang alka wur la de nyonko kan kwa wur di misime ye 144 144 la masi Tumbuktu alwaraye ka wurluta putunsa ka wurlawa Chicago sulawa safra nunka foko waworo anike melulu ne ka waben kulnal kenyama New York kalku kal beseka sulata walulu donc momini sulawa ka putunsa Chicago alfra koko ko prolantana la sama inshallah alfra la son prikin toma donc sulawara ri subina masali sini ni Allah ta'ala masini juma inshallah am fakka subina masali Chicago lo banda tout ça mod bina son kan la ko kan ka bon yorku kan wa su malo afriki donc ni su masali banda sini inshallah albena departe samedi lung ka bo amerique ko ya kata afriki donc badin te banam su manu dalen na munyele odi mais donc comme an ka fanya min kan bare malu chaman ka pour ludi wodi mi mbrasa ambulante mplo wuli dala wakile am dala bilulu wakile bilulu momi numra promise ta ni amawul tal masoron flo antenawul kontrala mel mbrasa kun gbero antim flo donc an kawlelu dantel ambenawul dantel lu tawdi et donc mo fofo min kawori di no wan ben nambare makema sunkaro sano akabi worodi et donc o fana bo tunta ambarima berey do nato ka fako Abdoulaye Kone aleka dalam wandi donc no fana boraye ambarima ke Alassane Kounaté an chaman koulon anara douleya ale fana ka dalam wandi no boraye karamoke jang may subu freke la 167 la edavin ko kan aleka promé wandi donc no boraye kun sa yaku kramo no ya anna raduni president bi aleka biloludi donc aljakato donc yaku kramo me ya raduni president bi aleka biloludi ka tabtun sa mamru beladani mamru kling la beladani ka biloludi rek baketa o ka biloludi talmat balu ka biloludi nawa sano aleka biloldi jara ale kabilol di Musa Kone kabilol di Ba Mori Sano kabilol di Abdoulaye Doumbia donc amale masron folo albari maka suri sa ko mai kuma sa tin ale fina kabilol di Ayuba Touré Brooklyn adala demba al fina kabilol di Ali Keta o kabilol di Saran Sako noye suri sa ko la demba di fina kabilol di donc o fina bo tin sa Idrissa Diawara, maintenant le restaurant est 138 là, 138 là, Terre Avenue, 138, 137, et station Tofedo, à l'effet Kabiloldi. Bari Magbara Fena et l'autre, à l'époque, Bakariso, Bakariso, à l'époque, la Simondi, et nous faisons Bora et Fena, donc, en Bari Maké Douti, et nous, Malou Konedi, et Barala Pharmacie, 136, 137, Lenox. Ale kadrome mwandi, donc nous borei fene, ambali make doman, kita meye subo frike la, 169 la, masidu lukman tofe, ale kadala tandi. Parima tunkara, ambali mo tunkara imenting, ale African Fandil Frila, 125 la, ale ka biloldi. Donc fene boye utunsa, ambali makbrei nato kapoko madu, anka du timin kofosite, Douti mai bar la pharmacie na wo fa don lewdi wo ka do romé mondi o fena boray do ambalama ambal makbere do fena ayé Mr Camaradi marakale ale di ale ka dala binani di donc lo fena boray fena ambal makke wo fa brama ale ka romé loludi cabinet ale ka romé loludi no fena boray do fena oustaz breté menna restaurant yé ñabeni ni sidima bronze Masjid Nour, Oustaz Breté, Anna Imam Bale, Anna Oustaz Le, Anna Kram Bale, Alhamdulillah, Rabbi Amina, Alef Naka Biloldi. Nous faisons un travail à Doké Kabine Breté, au Kabiloldi. Nous faisons un travail à Kaba, à Djenek Kabaminti, Afrique Market, là, le boulot, 169, là, Prospect Avenue Koka. Aleka Drome Mwandi, à Denke, au Feneka Drome Tandi. Donc, Nanka Wuri Mbeleni, Lanyon Koka. A wuri wara ben dala wa kelin an dala bilolu men ya an kuyante wuri min sina an kuyan o lewdi menu ka promise ke na mal masron folo tok aldiya ko fena mbare ma bare do to kostilla aleni ya ko kramo le bonglena o ka do metandi donc bare nu men turan ko folo o le woni kraudi ambare ma ke fena no ye duti Nuti ulare na yezduna si bilibili di arado mandena aleka binani di. Donc toujours na yinada mumutiko alkoni ya alka wuri fendi anka bema soron. Sanitu serif u wachama ayikumala mande radio la ayiduna radio sule la wachama son. Alena muso alka drome muandi. Donc baden kema na muso manu anka wuri minuma soron folo ulilu wanikala udi. Ara yinada mumutiko. Alkoni alka wuri fenfe alka di wuri momo bulu wuri nya anka bela ni masoro donc wuri nyi mutun sa toujours antena la tu la anna tvelima arado mamru lo na secrétaire dans son inshallah aldina kana nyinu inu sebe tabaka konte boka alsinyona ka konte ha aidafa gureka na ile solita kola donc amba dinke mana musumanu anka wuri men soro boli woni kraudi ni allah taala jama inshallah anye barka billah balin ke mana musumanu bela da ninye finfin ka jarani bo amrallahu ta'ala alama kara harina songodi alama kara harina songodi ambade makaya law yini yere kan to modi suri yallo ale fene ko kabena bidul dim na amma wuri masoron folo donc ambade makaya Abdoulaye Doumbia anka lanka fokal yanna mamru bibile di ale fene na mamru bibile me amma ale fene law masoron folo donc blu maworo inshallah anye baden ke manam somonu teladanim fula fenfen ka jarabo akara dala lulda akara dala tandi akala moani akara bisabadi amra allah taala alama allah taala ko multiplie ala wara ay mademe nyabelen na kata ke dorine kono an kala ka fokara baden adabadin illa batutene la dunar yine kono illa saraka botene la dunna illa fenmetene la dunna allah taala nangira mum tabunsa aru ta kala don ala nema bayin kono donc amra allah taala ala makara ambele ga ninye harine songodi amra do mamru dela ninfo adam na president ma kana secrétaire ma kana trésorier ma kana sebutunsa bade musomenu yal volonté la wati be ka kuma anya tata tata no ye ma wasanu wa ni salmatu balu alufo kabam tunsa arado samatigila bare ma min fene tun kal bele min fo kabanka mol fene fo men ye kuma la ni mente kuma la amma ngina ayuba ture ana la muso fatma da ture burbu firdausi para kalalu amma ngina luko amma ngina badin ke mana muso manu amma ngina sezen ko ankalon bibitin arado ba kaso di kan shaman ka amru do nyombulu anya nyon ka mena me hala ma nyon amma nyon yi ni momin kam la ko ni da ko oh faka sa men ka kal ngalo imalon gbero me ko ni ka kuma kallo donc ule sobu ka ke mo shaman yi alu ka mo ba na muri kuma kallo me alma mo ba na muri jere kani yi gbero flo o mo ka sia bale tuli anal ba kuma al brada badi yalla te nyama radio la alba nyoma nyane fini karadu la me wallahi alama ko tala ka fakwanu duruka al nyoyi gero ko bulu moro toujours anye bade mal fula nouvelle men yam bulu yam fulo ko ben fela ko nyama buli won kraudi nala so ma inshallah dini juma matal bina ke samed lung inshallah nala tala jama al bina debarke ka boyando kalkunsi afrique la noye malidi donc bulu moro frenyin sara ka demo nani ya te kulu tablu dinke fla ane demso mo fla dinke fla ankala nga fako wosini senegal le dinke fla na ankala nga fako ye franti demso folo na demso fla na mutsa bulu furuni mallali donc bulu moro badima kemin tatin ana rajo manayen kono kabini wakilen ke makondo ane biseni wurum la Fanzla noye 1987 Fanzla di wad katre ambari make anoye amfakadi asitre sambinan la watu la donc bluma musumofla te bari make imbulu anami kare amtunsa narakana fudu breke amtunsa donc tuduru ani afudu musule tura sigago Allah taala narala karsam nama donc bluma oro anyi badin ke banam su manu telen masrala kayafa amfama kayafa anku kenyoma kayafa anku monyoma kayafa ambaru kenyoma amra allah taala tara alama kinyes barako alama nizam le kainante blu alama nizam le kainante blu toujours badin ke banam su manu jamaka sia ante bambelen tofola toujours ya kon bakke koni nyabin kan frema ko yumdu law li do wudi donc ambrel ni do ke anna ci mo baye noye mo banna muri ci tadi chama chama ndo ala kuma kan ko mi ñam tan ni nawul la même tu mais an kala ko ko antena la kuma kan ko gole meno ko donc o kakan ka am maslan o kakan ka am maslan wuli ko son ko sey ke ni kawn li fi mbaledi momi ya hankil la mirla momi ya hankil la mirla donc inshallah nala sonama andina mi ko tammi ya ukramu ma adina journal ka ñe nala sonama albarima ka suri sa ko ni fak mal fatimna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh any bele sen fula assalamu alaykum alni zurna lamé Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très chers auditeurs de votre grande radio, la Radio Soleil, en collaboration avec Radio Samatigla, Radio Tenkiso International, Afrique Vision Nouvelle.net, Radio Nyeni. Bonsoir, c'est votre frère Yaku Karamoko, l'enfant de Mankono de Pignoc pour les informations du jour. Malma Keman Musoma Kamena Wanura Nisu, à la frère Yaku Karamoko de Pignoc, en amim take kibara kadaoma. Ma yinamba d'enfant, fengamoko baoka douaoka, yin toujours anage akata irualo. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sans plus tarder, nous allons commencer par les États-Unis. Barack Obama met en garde contre rhétorique haineuse anti-musulman. Washington, l'islam a toujours fait partie de l'Amérique. Barack Obama a mis en garde mercredi dans un discours passionné prononcé depuis une mosquée de Baltimore contre la rhétorique haineuse visant les musulmans à 9 mois de scrutin. Qui désignera son successeur. Le président américain a pointé du doigt sans les citer nommément, ceux et de ses adversaires républicains qui font des amalgames entre des actes terroristes et une religion. S'ils s'étaient déjà déplacés dans des mosquées au Caire, à Jakarta ou encore à Kuala Lumpur, c'est la première fois depuis son arrivée au pouvoir en 2009 que M. Obama se rendait dans un lieu de culte musulman sur le sol américain. Récemment, nous avons entendu une rhétorique inexcusable contre les musulmans américains, des propos qui n'ont pas leur place dans notre pays, a-t-il lancé. Dans une allusion claire aux propos du milliardaire Donald Trump, qui a proposé, dans la foulée de la fusillade de San Bernardino, California, d'interdire l'accès des musulmans aux États-Unis par crainte d'attentats djihadistes. Une attaque contre une religion et une attaque contre toutes les religions a martelé M. Obama, rappelant au passage que les catholiques, parmi lesquels John Frederick Kennedy, l'un de ses prédécesseurs, et les Juifs avaient aussi été cibles de virulentes attaques au cours de l'histoire américaine. Soulignant l'importance de ne pas faire l'amalgame entre une petite fraction de musulmans qui propagent une vision pervertie de l'islam et une écrasante majorité des musulmans du monde qui voient leur religion comme une source de paix, il a appelé ces derniers à dénoncer haut et fort toutes les dérives en leur sein à travers l'ensemble du monde islamique. Les voix influentes devraient en permanence s'exprimer, a lancé le premier président noir de l'histoire des États-Unis. Le déplacement chargé en symbole réclamé de longue date par les organisations musulmanes américaines intervient plus de 6 ans après le discours de Caire, juin 2009. Dans cette allocution entamée en arabe par « Un salam alaikum, que la paix soit sur vous », Barack Obama avait appelé à tourner la page d'un cycle de méfiance et de discorde entre les Américains et les États-Unis et le monde musulman. Donc, normalement, Chemani Moussouma Ajmane Mintake, en appelé d'Amba, Barack Obama, à Tani Baltimore et M. Dola. Oui, M. Togola, Talaya, Fokafoku, Mintake, kuma min bɛ fɔla mɔgɔ dɔw bolo a ma sɔn ka tigiw tɔgɔ fɔ min ta kɛ Donald Trump a ye kuma min fɔ k'a yira k'a fɔ ko o kan ka silamaw interdit ka na jamana kɔnɔ parce que k'olu de bɛ attentats kɛla ka bɔ n bila Barack Obama ko ko mɔgɔ ye kuma sugu dabila parce que min ta kɛ islam o ye Ameriki la religion dɔ le ye Amerikɛnw ye musulman de ye donc kuma min b'o ye minnu b'o fɔla. On m'a dit qu'à ta Kerla, même ta Egypte Kerla, Misroula, ou bien Jakarta, ou bien Kuala Lumpur, qu'à ta Misroula, qu'à ta Abenyama. Donc, on m'a dit Misroula, qu'on a fait non. Pour que ce soit beaucoup moins souvent là. Donc, on m'a dit qu'à la Kaira Kafo, même ta Kerbi, même ta Bomoumbla, terroriste ou, ou les musulmans, même ta Kerbi, même si Karadjara Tili, minnu bɛ fɛ ka alors min ta kɛ musulmanw ka silamaya tɔgɔ tiɲɛ nɔ tɛ silama fanba yɛrɛ ye min ye olu ka silamaya k'o ye silama le ye silamaya ye ko le ye ka mɔgɔw gɛrɛ ɲɔgɔn na alors ka sabari donc ko silamaya kɔrɔ b'o de fana min b'a ɲinina alors min ta kɛ o y'a yira k'a fɔ ko depuis ko ninnu bɛ kɛ ni silama jamanaw y'a yira k'a fɔ ko Barack Obama tun kan ka kuma nin koɲa nin na depuis a bɔ ni kɛr san ba fila ani kɔnɔntɔ la n'a taga ni misiri la a dontɔla a y'a fɔ ko salamalekum a kumana kɛri universite la bɛɛ lajɛlen y'a mɛn donc a fana b'a ɲinina siramakuntigiw fɛ min ta kɛ duniɲa mumɛ bɛɛ la o y'a filɛ n'o o gurupuw la n'o sɔn min bɛ kɛ mɔgɔ minnu nɔ ka se ka a tigi k'a tɔgɔ labɔ joona o ka se ka alɔ a barika kojuguw kɛ mɔgɔw la. Côte d'Ivoire, le chef de l'État a eu un entretien avec le président François Hollande à l'Élysée, le président de la République. Le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, a eu un entretien ce jeudi 4 février 2016 au palais de l'Élysée à Paris, France, avec son homologue français, son excellence François Hollande. Cet entretien a été à l'occasion pour les deux chefs d'État de faire un tour d'horizon des relations bilatérales et de coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. À ce niveau, ils se sont félicités de l'excellence et de la qualité de ces relations et se sont engagés à la consolider davantage. Au terme de la rencontre, le chef de l'État a répondu aux questions des journalistes, notamment sur le procès actuellement en cours de l'ex-président Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale CPI à La Haye aux Pays-Bas et sur les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. S'agissant du procès, le président Alassane Ouattara a indiqué qu'il attend la manifestation de la vérité, tout comme de nombreux Ivoiriens, notamment des victimes qui attendent que justice soit rendue. Abordant la relation entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, il a affirmé avoir eu une très bonne rencontre avec son homologue burkinabé récemment à Addis Abeba, Éthiopie, en marge du sommet de l'Union africaine, et a appelé à l'étroitesse des liens de coopération et de fraternité entre les deux pays. Pour le chef de l'État, la situation entre les deux pays est totalement apaisée à cet égard. Il a annoncé que son homologue du Burkina Faso effectuera une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Donc, je demande même à Alassane Dramane Ouattara, Côte d'Ivoire président, à Taranimbi, alors Francis, à l'Eni Francis, président, à Toko François Hollande, au Talakata Nyongoye. Non, je crois, journaliste, il y a une question posée à moi. Question, je demande même à alors, de jugement mekela bi à La Haye, nous t'aque Laurent Gbagbo ka jugement kounya. A koko yem minye, alors, angato, alors, tribunal kaka barake. Parce que, comme il y a une fois qu'il y a un tchan lo, j'en ai qu'à mounke. Là, il a fait un café. Quand on a dit que nous avons fait un signe, alors, le jugement de Macron, il a passé un jugement. Donc, il a fait un Burkina Faso, ni Côte d'Ivoire, la Cola. Il a fait un café. Il a fait un président Roche, Kabore, il a fait alors, Addis Abeba, au Kumana. Alors, il a fait un tension, Donc, il a fait un café. Même ta que Roche Christian Kabore fait, même ta que Burkina Faso président a été kana, même ta que Côte d'Ivoire, au Bénin kana, alors même ta que au Bénin Nyongoye, même ta que alors Burkina ni Côte d'Ivoire tchèye, problème chita là, au Bénin Foka ben là, pour que Djamana flabbe la genie kase kabo, et là, même ta que au cas relation kabo en Nafala. Donc, toujours Côte d'Ivoire, procès Gbagbo. Le juge interdit les questions directives à la défense de faire appel. Les avocats de Laurent Gbagbo ont envisagé jeudi de faire appel d'une décision de juge Kuno Tarfusé qui a interdit les questions directives aux témoins au sixième du procès de l'ex-président ivoirien devant la Cour pénale internationale CPI. Compte tenu de la manière dont nous voyons les choses de fait et qu'il s'agit pour nous de respect des droits de la défense, nous voudrons vous demander l'autorisation de décider d'un appel de votre décision, a indiqué M. Emmanuel Alti, l'avocat principal de la défense de Gbagbo. J'ai dit, M. Tarfusé a précisé que les questions directives qui orientent les réponses ne seront pas autorisés auprès de l'audition du premier témoin mercredi. Pour le juge, contester la crédibilité d'un témoin peut se faire de bien d'autres manières, assurant qu'il ne permettra pas au conseil d'influencer les éléments de preuve fournis par le témoin en posant des questions prédéterminant les réponses. À l'audience a été suspendue après le débat devrait reprendre vendredi. Le procès conjoint de l'ancien chef de l'État et de l'un de ses proches, Charles Legoudé, s'est ouvert jeudi à la CPI. Ils sont poursuivis pour crime contre l'humanité. Donc, je m'en ai même taqué à Laurent Gbagbo, à l'avocat Oya Yinikafo, Antonia Fayna, Fayna Kumkafo, témoin d'eau. Même taqué, alors, Mohamed Beska, Syria l'a dit, communiqueni à la Ayafo. Donc, l'avocat Gokwa Tungado, lui, au cas question, c'est qui, alors, témoin quand directement, mais juge Koko Tsekake. Parce que témoin, nanani, alors, même temps que la série a dit, ou lui a eu la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin donc au fait au tenaçon car il a qu'à faire sera ouvert fran bay avocat fran bay c'est car il a qu'à faire témoigner mille fois au masoama fran bay c'est qu'à témo au sera fait donc au kemingkala au y alors audience jugement à suspendre la bille au sinutun ben à laka Côte d'Ivoire, Oroto appelle les élus à accompagner la croissance et la croisade pour la salubrité urbaine. Le ministre ivoirien de la salubrité urbaine et de l'assainissement, Madame Anne Désirée Oroto, appelle les élus à accompagner le gouvernement dans la croisade pour la salubrité urbaine, faisant valoir que le changement de comportement des concitoyens à cet égard constitue la clé de voûte de cette mission. Quel que soit le cadre réglementaire ou institutionnel que nous aurons, si les Ivoiriens ne changent pas de comportement, vous et moi sommes d'accord pour dire que nos efforts seront vains en matière d'amélioration du cadre de vie, a-t-elle déclaré. J'ai lu lors d'une rencontre avec des maires à la siège de l'Union des villes de communes de Côte d'Ivoire, Inovosi, l'organisation consulaire des maires ivoiriens. Donc je m'en même pas que Côte d'Ivoire à Jean Oleto à Alassane Dramane Ouattara Yemimbla, ministre de Nana na Côte d'Ivoire à l'effort le Tumeki et Jando Djamana la Samyakola. Na ye katepila bla ka bonkulum bechika bo djamana kono. Donc boni ayabo yabo yka mogore bla. Kemin kela même pas que Côte d'Ivoire tu sanyana nyamma. Alors mogoy sirkola tu no ka kukulum kawi. Donc Alassane Dramane Ouattara Yemusokrim de bla a placé la tourni. Au Kemin kela. A koko pour que bara ise kanya ay me meru be wuli kana ka foko bara minu tant que ni citoyen yere ka comportement mayrema ou ke wale mayrema parce que ka ye ka domin ke papier kono ka l'afri kenema ou bien ka tini lo kenema ka nyene ke ka boke ou bien ka nyama fli e ka niveau kono tant que nalu mana fara anka gouvernement mena bara fe on fenge a bara bebe be jila fo meru wuli ala oka min take mom nu yo voté ka nyafo nyana jamana kan ka sanya nyamma amam buru di no ma nyamma ka jamana sanya angan ko barake don ayore non ke alo min take ni merouye Côte d'Ivoire écoute téléphonique l'affaire en voie d'être réglée selon Ouattara l'affaire des écoutes téléphoniques mettant en cause le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire Guillaume Soro pour son implication présumée dans la tentative de coup d'État de septembre au Burkina est en voie d'être réglée à assurer jeudi le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara à Paris. La question des écoutes téléphoniques est en voie d'être réglée à Alassane Ouattara soutenant souhaitant une visite en Côte d'Ivoire du président burkinabé Roger Kaboré à l'issue d'une rencontre avec son homologue français François Hollande au palais de l'Élysée. Nous travaillons à ce que M. Kaboré vienne en vue d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire, s'il a ajouté. La justice burkinabé a émis un mandat d'arrêt international contre Soro Guillaume dans ce cadre de l'enquête. Donc, je demande même tant que président Alassane Dramane Ouattara, Côte d'Ivoire président, a eu à fois toujours Kato Francis, a fait problème même de la Côte d'Ivoire et Burkina qui est, Burkina qui est, tribunal qui est, mandat d'arrêt lancé ko ka siom yom suru blakana donc ko a okmana inshallah ko be robna bi afanga bolala alors fran ba yina roche christian kaburu fe ko min ka fanyama akana ko diba meme ta ke manda dare ku yi burkina ni ko diwa alors ko okmana akula o ya bagafa tadi ke ko me degre na to degre la tuni donc ya yini sitan ni president burkina be a déplacer la kana ko diwa watu watu non na nyonye comme mes acquis à côté on a un enfant non monté alors même taque car alors à côté d'apparaître car boy peu donc à la fin draman ou trajou le focato franci allez ni même taque alors François Hollande non monté mique chan 2016 la coupe d'Afrique et jeudi 4 février 2016 fin d'illusion pour la Côte d'Ivoire qui espérait jouer la finale de la 4e édition de la du championnat d'Afrique des Nations, CHAN. Les Ivoiriens ont été battus à 2 minutes de la fin de la rencontre par le Mali 1-0. Dominateurs sur toute la partie, les Aigles ont été récompensés dans les ultimes instants du match grâce à un but de Yves Bossouma, 88e minute. les Maliens ont donné le signal d'abord en première mi-temps, mais toutes leurs tentatives ont échoué face à l'excellent portier ivoirien Badra Sangaré. À la 33e minute, le gardien de AS Atanda repoussait un pénalty du Malien Koulibaly proposé au tir. La mi-temps intervient sur le score de 0-0. À la reprise, les Maliens plus entreprenants manquaient d'ouvrir le score à la 55e minute, mais l'occasion était gâchée par Kwame Nguessa. Alors qu'on s'acheminait vers la fin de la rencontre pour une éventuelle prolongation, comme la première demi-finale, Yves Bossouma rentrait en lieu et place de Koïta, donnait la victoire à son équipe. Avec ce succès, l'un des rares dans les oppositions contre la Côte d'Ivoire depuis des années, le Mali rejoint le RC, la République démocratique du Congo, en finale du 4e CHAN qui se jouera le dimanche 7 février prochain. Quand la Côte d'Ivoire, elle, disputera la 3e place, la compétition également dimanche contre la Guinée. Donc, je demande même taqué bi, alors ballon netani, Côte d'Ivoire ni, alors même taqué Mali, mignon tchèque. Donc, ballon tani au boulot Mali, alors même taqué Côte d'Ivoire dominé, car dominé, alors n'y a sous gouvernement. Mais on m'a fait qu'à bido. Premier mi-temps, au Yoko Beke, on m'a fait qu'à bido. Allez, pédatif, il y a des bêtes, on Mali boulot. Mali au Belgien. Mais comme on l'a fait, on a fait qu'on a Côte d'Ivoire, brem-brem-ka. Maki befe ka bant mamna bosuma ye balonta otmana basuma oyale blaminta ke keita koita plasila ja alet mena kana minta ke anga bidu donc basuma ye balonta ka ba ka basika blaminta ke ivoir ka minta ke filikono donc kemke la ivoir masoko bubu ana feu donc angaina mali ye bikrendu minta ke kodi wala ka kodi wa gagne donc kemke la Mali quand la finale joue ce centre de Machilo, Inch'Allah, Koufou Beta Katambra, Mali là. Donc, Koufou n'a joué Mali là, de Machilo, à nous, le Congo, le Benanyongomna. Donc, quand on a, Konya, ni à la même temps que Mali et Ségali, Ségali, même temps que Samata, Yoro, Yoro, Kaulinaï. Donc, Koumate Warama. Wara, au Betambolo, le même temps que Inch'a Famia Bala. Ka Wara Betambolo, Koumi, alors, Koumfaya, Koumi Fumake. Kou vous mettez mal là, Inch'Allah. Donc, au bas qui va les jouer là, mais, et voir qu'on bouche là, alors, bika, bouche, kotwe, bouche, ka, bouche, tout, mika, dain. Donc, on est qu'un mal, boulobi. Donc, toujours, voilà, nous allons toujours conduire en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, comme on l'avait dit, Khalid Ahmed Rafik, Condor Atié et Mohamed Gabi, tous ces ressortissants libanais, et à la tête d'un réseau de pêcheurs illégaux ont été interpellés par la Marine nationale mardi dans les accablis du quartier Makuri, à Lumambo, Zimbabwe, a appris Kwasi Dakam de sous sécuritaire. Selon nos informations, c'est suite à un appel anonyme que la Marine nationale a lancé une opération de démantèlement de ce réseau de cette pratique de la pêche à la lagune, à la dynamite et aux produits toxiques interdits dans les eaux ivoiriennes. Nous avons déjà reçu plusieurs plaintes de la population qui s'inquiète depuis un moment de la présence de beaucoup de poissons morts sur la lagune et ces mêmes poissons morts dans des conditions inconnues se retrouvent sur nos marchés, donc dans nos sauces. C'est pour cela que nous avons reçu l'ordre d'engager nos hommes pour prendre ces mauvais pêcheurs la main dans le sac, a expliqué le premier maître Diomandé Adama, chargé de la sécurité de la flotte lagunaire. L'opération a permis aux marins de saisir trois embarcations, quatre pirogues et un équipage de 33 personnes, 450 kg d'alevin et du matériel d'industrie de pêche et aussi d'interpeller le cerveau du réseau qui avait en leur possession des groupes électrogènes, des projecteurs, des plateformes artisanales et d'autres équipements utilisés pour engloutiner et hypnotiser le poisson. Il faisait cette pratique au Ghana, mais après son interdiction, je la poursuis jusqu'ici, juste pour me faire un pain. Mais je regrette vraiment les conséquences sur la faune halieutique et santé de la population, a avoué l'un des membres du cerveau. Le capitaine de vaisseau Amara Kone a promis que les interpellés subiront la rigueur de la loi afin que cela serve de leçon à tous ceux qui s'adonnent à cette pratique. Nous avons fait un même temps que nous avons fait un journal qui a fait Abidjan, qui a fait quelque chose là, alors même temps que Jeep, la Jininka, quelque chose de chaman. Donc, on m'a mal long, qu'on est mba à l'école là. Donc, au cas où même temps que Marcori a mambo, au coco, population, si qu'elle a mort dans les lots, talakato, oye, marron, ou les cafos, y en a cafo, ah. Si la banou, là, depuis what, la mec, quelque chose, il a dit qu'un. Mais, à même mort dans les lots, alors, obé, direfa, min, que, au bac, la soumina, à main. Donc, au talo, la cata, libane, que ça va. Le Tarakato Mnanouta Khalid Ahmed Rafik Condor Atié Ané Mohamed Gabi. Olouni, alors, ka batou ni mouron noumbe kale jire fraouke. Le Tarakato Mnanouta Khalid Ahmed Rafik Condor Atié Ané Mohamed Gabi. Olouni, alors, ka batou ni mouron noumbe kale jire fraouke. Olouni, alors, donc au fran ya ira ka fa ko matériel chama mbolo bolo o be diga fla fa to di o be produit ke ji la ou bien be dynamique ka bom sou do be no ba bla ji la na ji la be diga o fa donc o be diga fa sou o nya sou le maté ka a che ka ke ka ta seri donc to mi nou maté ka cho bolo o lu de ti me di kuma donc o ta la ka to mno la ko ko vraiment ala la an ma ke la gana gane on ko ko akana ke tu ni donc ko ma an fan nda fe ka do ni soro annana an fana nana ambo kila alo nim take jika donc om nano nyarma même take maram no na ka poko om nam kila o be baraju min kila o bran ta ka to jije o baraju o ake kumina ni ani min ka kambu no la kam kine électricité le ministre de l'énergie suspend la pose de compteurs prépayés le ministre de chat en charge électricité d'hydrique chaque talibi sila en compagnie de l'administrateur général de l'électricité de Guinée, Augustin Lovichi, et de représentants de la Banque mondiale de Guinée, Youssef Awo Mahoro, a effectué hier mercredi 3 février 2016 une visite sur les installations d'EDG dans le quartier Samberba, Lia à Kaloum. Cette visite devrait aboutir au lancement officiel des travaux de la pose de compteurs prépayés dans la commune de Kaloum. Mais le ministre, après consultation avec les autorités communales de Kaloum, le représentant des jeunes de quartier et les responsables de l'électricité de Guinée et des jeunes, a finalement décidé d'arrêter momentanément la pose des 10 compteurs prépayés. Nous sommes retrouvés ici au département pour tirer les leçons sur la rencontre aujourd'hui. On peut dire aujourd'hui que c'est une activité qu'on a démarrée. Cette activité de sensibilisation doit être renforcée à nous décider en attendant que nous comprenions avec les différents clients de poursuivre les sensibilisations, d'arrêter de poser pour le moment les compteurs après paiement dans la commune de Kaloum en attendant que le gouvernement et les clients et le DG aient une même vision, a dit le ministre. Plus loin, il a invité les uns et les autres à s'impliquer dans la sensibilisation afin que la population arrive à comprendre les avantages liés à la pose de compteurs à prépaiement. Selon lui, le compteur à prépaiement est venu tout simplement pour apprendre aux citoyens à économiser l'énergie. Le gouvernement est jugé manuellement l'intention de créer des difficultés aux populations à travers ce compteur à prépaiement. Il faut que cette proposition soit claire et que la population évite de croire en mauvaises informations. Donc, je m'en ai même taqué alors pour le ministre. Même pas que courant dans le ministère, ni EDG, même pas que la Guinée, au Tani Kaloum. Au Tani Kobitakata, alors, compteur minde prepay, au compteur courant prepay. Au Tani Kobitakata, à Barakoumati. Mais il y a la population Mboutila, ça ira qu'à Foko, au Doutafé. Donc, au Tani Keni, révolte Minkeni, on en a eu qu'à Foko, quand Kamoro, là, et comprendre ça dit quand à coup n'y a pas moyen d'un humain non qu'à ce qu'on a baraqué donc on n'a que compter ta si au lieu de la loi ou la loi ni qu'à beaucoup nana ou l'ouni cameroun continue à ni café moro kata kata n'y a même ta que et quand n'y a pas n'y en a pas ni ka ye ka fɔ ko compteur min bɛ sara ka sɔrɔ ka utiliser o kun ye min ye o kɛ mɔgɔ se ka a to alɔnin ta kɛ a kana kɛ kɛlɛ ye ni ɲɔgɔn cɛ. Burkina Côte d'Ivoire normalisation des marches forcées. La Côte d'Ivoire s'efforce à remédier à la fraîcheur de ses relations avec le Burkina. Mi-janvier, Albert Mabri Toafez, son nouveau ministre des Affaires étrangères, s'est entretenu par téléphone avec Alpha Barry, son collègue burkinabé. Objectif, relancer les traités d'amitié et de coopération entre les deux pays. Alpha Ouattara, qui s'est entretenu avec Roche Marc Christian Kabore en marge du récent sommet de l'Union africaine 30 et 31 janvier à Addis Abeba, vont par ailleurs dépêcher à Ouaga Marcel Amontano, son directeur de cabinet à la présidence, où il est chargé des questions diplomatiques. Autrement dit, l'un de ses plus proches collaborateurs. Depuis le départ d'Abou Touré en juillet 2015, la Côte d'Ivoire n'a plus d'ambassadeur au Burkina. L'installation de son successeur, Soro Kapietiri, de l'Étienne, à part auparavant Paul de Libéria, a tardé en raison notamment des récents troubles au Ouaga. Mais les autorités ivoiriennes sont résolues à atteler les choses. Donc, il y a un état qui est toujours Côte d'Ivoire et Burkina Faso, au Nignon Tchekoula. Il y a un état qui Albert Mabili Touakiz, qui Alpha Barry, Burkina, aya a été au Nignon Okumana. Alassane Paranini, Roche, Marcien, Christian Kabore, Paranini Okumana. Alassane Menaka, directeur de cabinet, n'a pas été Marcel Amontano. A bɛ na ci ka taa Burkina toujours pour que alors Burkina ni Côte d'Ivoire cɛ u ka se ka bɛn ko lɔ ɲami ma. Fana y'a yira k'a fɔ ko Côte d'Ivoire la ambassadeur min tun bɛ Burkina n'a tun tɔgɔ ko Abu Touré. Ale bɔnni san 2015 la ka sɔrɔ ko mankan min tun bɛ kɛ ni alors min tun kan k'ale remplacer n'a tɔgɔ ko Soro Kapietiri. Donc o fana tun kan ka taa o bɛ bɔ Libéria ka taa mais coup d'état min na kɛ o bloqué la donc an bɛ yɔrɔ min na bi. En Côte d'Ivoire, l'ambassadeur était à l'Omunta et Sengela, Malira. Pardon, Burkina. Voilà, donc toujours Mali, les aigles ont fait sauter les mythes de leur faiblesse face aux Ivoiriens. En match comptant pour les demi-finales du championnat d'Afrique des Nations Rwanda, les aigles du Mali ont fait sensation devant leur homologue ivoirien avec le score étriqué d'un but à zéro. Bien inscrit à 89e minute de jeu, la version locale des aigles vient ainsi de faire sauter le mythe d'invincibilité de la Côte d'Ivoire qui a toujours caractérisé les confrontations aigle-éléphant. L'après-midi de ce jeudi 4 février restera donc à jamais gravé dans les annales du football ouest-africain et mondial. Bravo donc aux aigles qui ont qualifié enfin ainsi pour la finale avec cet exploit de zéro, combien retentissant, pardon. Donc, je me demande même si la Côte d'Ivoire ni à Mali, à tout le monde, le Mali n'est pas là que la Côte d'Ivoire gagne, à quel à Wati Mena, même si l'éléphant a mis elle. Mais bi et la chose, Ivoire Bromi, qu'elle est Mali Bro, alors vraiment, à Bina Toubela, je ne suis pas là qu'il y a a tun yira ni min ye k'a fɔ ko Mali tɛna se ka même ta kɛ Côte d'Ivoire bugɔ k'a fɔ ko can t'a la. Guinée, l'Union des forces démocratiques de Guinée a pris ce jeudi 4 février une décision portant exclusion de son vice-président Baouri de toutes les instances de parti appris Africa Guinée Takand. Il y a eu une décision d'exclusion qui a été prise pour ceux qui étaient présents à la réunion d'écrasante majorité à voter pour Kili Baouri. Soit exclu à confier notre rédaction. Donc, je demande même ta que la Guinée Roko, alors IFDG, celui d'Alain Diallo, à la partie, au réunion Baletébi, au réunion Kemi, au Yahira Kafoko, majorité, c'est-à-dire que Moro Famba, au Koko, même ta que Baouri, au Kagben Kabo, alors même ta que partie là. Donc, au Retour Kafoko, même ta que Baouri, bi, à l'été, même ta que non, la décision est à. Il était en deuil tourné, il était parti là, il a dédié Baouri Bena Kaban. Donc, dans ce rôle, la frère Yakoukara Mouro, toujours, Kaira Kapan Balmanche, alors Mintake Namur Keita, alors Sini Dumalo Nishala, na Kana Serike Aflema, Niseke la Aflema, Mintake Samilou, Akankata, toujours, Ama Koube Demena Radio, pour que Angaseka, toujours Warbla Kata, Kata, Mbalmon Mademe Nyamma, Mbalmanke Akaseka. En balmant, on a sur le Nyama, Inch'Allah. On a bien la Djenoufoula. On a bien la Djenoufoula. On a bien la Djenoufoula. émission mbé ba ni mena ko o le kadi katum tok nin ka Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ambadin ke manam so manu fenzen ki la barabu kabi kadun anara du mbala radu soleil anafur ku may dalen ni badin ke manam so manu menu ka fembo an men ma fembo men kado ke an men ma do ke am fa ke la fe corono wan ben nam ban mur kita et toujours anyal belen fula donc sitan ambra wuri beso dun kata kala wuri koromanta ko kan ambra dalla keme soron de vrai kata kala wakilin bilulu ko kan donc wuri ba assembly ante wakilin keme an bilulu donc buma woro anyi bari mal fula ambari make abdullahi dumbuya ankala do mambu bilibili anyi wala na nyoy bekla alife donc buluma woro le tun takalama donc je sais aller là de la bilolu otakula antoman suri suri jallu kala ko kan amrawul lawril masran sitin donc o rawul dafa woro uri min soroni ambulu ben ka dafa sitin bulu won denna dala wakiling ani dala keme am dala bilolu donc aja hawa Gabi Kabo Mirilen Ankalon Bikuma Kabra Wati Yanke Aleka Foka Fokabra Drome Mwambo Me komi kaben yorole de nyama kinsa Ammate ka wui masurone Tudu inshallah Ankoni kalon koni Abrahiyanoro Donku barinke manam suman tuduru Inshallah Kome alkala nyaminka al-misa Anna imamba Nuan benna imami ishaka samura alele na la kana fimfanye Allah utala kando na la kila kang bi anami kira amateka membake kaben sunumi na ansoro na kaben ila fimi ka ansoro donku blu mawro abrana kana do uke kabanfane kana fimfanye kwa ben sayama donku blu mawro anye do uke la na imam kenye kabanka do uke la membake nuna msumanu mbele ninye fimfin kila barablu ka kadu anaradula meni anna menna meni kumala mente kumala anye belele nifula tuzuru ama nina kadoke barima lunye barima menu ka fembo adi menu ma fembo tuzuru barima menu ye meni ye barabara la nama ki Allah utala sokudi ambra Allah utala tara alama besarara ambra la tara ambarima lunye meni ye musukuro baraminala, meni ye barala grasila, meni ye tulie yala, men fana ye bour delivery kala donc men ye taxe la bour kala men ye delivery kala bara bara dama kala tola sokodi men ye income kala adaba niye wala men ye income kala anye ambra allah tola tara albrade niye alama ambrade nakanda naka anga jël fulen ka anga jël fulen ambra allah tola tara ka am fasulu kala suma amra la ta tay jabra bam ko no won benna amerikuma e alhamdulillah ramina ankal amerikira araba den chaman jidi donc bu luma woro amra la ta jamana ni alama jamana ni sabatida alama jamana ni sabatida e ka tembe ni kamben kula do anni nyonte ka antanka modul masuma ka famalu ka famal la kudanya ka ben la kudya famalnya ka famalu nyamalu yamma ka antanka bere bere muluma ka antanka bandiluma ani bandilu famulu e donc baden ke malam sumanu andi banko ta kamenta kala ko kan baden baden ni wora misilla e freke ila jacket me kana ko non tan sedena e bola ila jacket me kana e fre febel nin ke i jantoro di i jantoro wala ni wuri kra ko no e wuri belen ni bako no ye ataya dunyama baden ma do leli si sen albado misri ko no aldo ko albulu la molla jacket le djuvala donc ni wuri min kray aldota ilinda ni kafakuli na ni para indiao itada la kenya suwema anka la kafakuli kule di kuminu maslani donku blu maoro tuzulu kaamba di mali laloni ile momo ni wara misidila kafakuli na ni saldi yale kareke ila jaketi meikana ya tuyikana ni wuri ya jufala ya tuyikana ila sebe ni mbaka kono ya bele ni mboi akara ila sosa sikitele ulo akara la kritikat lila akara katikat akara papi papi li ni ila papi ya importans mali lu yal bokko no be yatu kana yi salinyawma wate bari madul fene do bi min fa do nan non la misil ko kala blo bla mo lu fala ka alla wonu ta e bari madu e yeda kamera la wara dun ka mo li salla fa min fitri salle ta mo do salla jo aka belo akra nyamin ka kana koroni ka ablo bla bari madu ju fala ka wala dala kam fene ko ko ta ka ban ka la papi fin via pni ka beta donc a boré ko fe akamoli la nak koroni abana fe nak ko toujours ka ko se ka jere ko mi o to so jimne defre a boré butun ta kana fene butun e jakati boré tun tre jakati dou la fene ko ma wara do so do ju fala ko wanya nak law ju fala sa donc a ma wuri so re butun sa a boré a tro lo sa donc ko mon ke aka misidi kon la blu ka a bo mais toujours comme en kalom misidi dou le sen camera ikrai ibi fasa ko do ka koroni yala nga fako kamera ya kanka iyari sri ya kanka iyari sri ila nga fako mo nyati la kamera nya ila allah taala nya ila donc bluma toujours ayi badima belen fula ka badima belen fu ka belen fu ka bangene dun ka belen loni ulla donc inshallah nan tara la yi and dayro toujours ka antlo molo imam ishaka samura la wala ni fulikala momin la idi start jwanke idi start jwanke ka fuli di bari mal mamenu ka wurul bo donc balen ke manam so manu al bari makka suri sako al bari makka suri sako wuri ko mal fe watina kal dele ni fu ful ko mala ka banka do kal dele ni ne ala ma besara ala ma besara assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh annantul moro imam ishaka samura la takatu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh donc ambarin ke manam so manala sona inshallah andina na emission dam na citen men won benna anaka woni lima noy anna dawa blebledi